Le bras zéro par Alexandre de Lavergne. C'était au printemps de 1621, le 31 mars, dans l'après-midi. Il y avait cercle dans la chambre à coucher du roi Philippe III, au palais de Buen Retiro. L'air était encore froid, comme il est souvent à Madrid à cette époque de l'année. Un bras zéro de cuivre doré se trouvait au milieu de la chambre. À quelque distance de ce bras zéro, et immédiatement en face d'une fenêtre, d'où l'on apercevait les jardins du palais et la statue équestre en bronze de Charles Quint, se tenait dans son fauteuil le roi Philippe III. À défaut des trois ordres royaux de Saint-Jacques, de Calatrava et d'Alcantara qui brillaient sur sa poitrine, la blancheur mate de son teint, les rares cheveux d'un blond douteux qui ombrageaient son front, ainsi que la barbe fauve et pointue qui encadrait le bas de son visage, eussent suffi pour faire reconnaître en lui un prince de la maison d'Autriche, un des pâles descendants de ce glorieux monarque dont l'effigie seule habitait maintenant le palais de Buen Retiro. Philippe III releva alors de maladie, et soit que sa convalescence ne fût pas encore bien déclarée, soit qu'à l'âge de 43 ans les sources de la vie eussent déjà reçu en lui quelque atteinte profonde, il portait sur son visage et dans toute sa personne les signes d'une caducité précoce. La tête penchée sur sa poitrine, comme s'il eût eu peine à en soutenir le poids, les joues creuses, l'œil terne et presque sans regard, les mains, des mains longues, maigres et osseuses, nonchalamment abandonnées sur ses genoux, il semblait, dans cette attitude, avec ses larges vêtements noirs, un moribond qui a voulu porter d'avance son propre deuil. Il n'était pas jusqu'à la chambre où se passait cette scène, qui, en dépit d'une assistance assez nombreuse, ne fut silencieuse et morne ainsi qu'une chambre mortuaire. Auprès du fauteuil royal et à sa gauche se tenait sur sa chaise rase de velours le grand maître de la maison du roi, parfaitement reconnaissable à la clé d'or qu'il portait en sautoir sur son pourpoint. Un peu plus loin et du même côté, le duc de Medina Celi, grand sommelier de corps de sa majesté et appelé journellement à ce titre à l'honneur d'habiller et de déshabiller le monarque. Plus loin encore, sur des pliants ou même debout, le grand écuyer, le grand majordome, le motero major et plusieurs autres membres de la grandesse, tous graves, tous compassés, tous uniformément vêtus de noir, avec de grandes manches pendantes et la tête couverte selon l'usage de la cour d'Espagne. À la droite du roi, le coup d'œil était différent. Il n'y avait que deux femmes, l'une vieille, l'autre jeune. L'une ridée et flétrie et le front soucieux, l'autre rose et blanche et le visage doucement illuminé de cette fraîche auréole qui couronne à 20 ans un front féminin. La première était la Camerera Mayor. La seconde était la princesse des Asturies, la belle-fille de Philippe III, cette charmante Élisabeth de France, qui venait d'échanger depuis peu une vie de fête et de plaisir et l'atmosphère toujours si douce du pays natal, contre cette existence monotone et presque claustrale des reines d'Espagne, déjà si funeste à une princesse de son nom et depuis à tant d'autres de sa famille. Cette tête blonde et insoucieuse, dont le soleil de Castille n'avait pas encore eu le temps de haler les couleurs, faisait un sensible contraste à côté de toutes ces physionomies méridionales, fortement accentuées et toutes profondément marquées du sceau de l'étiquette et de l'ennui. C'était ce que fut sans doute, un siècle environ de distance et sous d'autres cieux, la duchesse de Bourgogne au milieu de la cour de Louis XIV à son déclin. Seulement, Philippe III, ce monarque débile sous le nom duquel un prêtre, le cardinal duc de Lerme avait été roi 20 années durant, n'avait jamais eu d'aurore non plus que de midi dans son triste règne, jamais de jeunesse ni d'âge mûr dans sa triste existence. Il était vieux à 20 ans comme à 43. On rencontre parfois dans les forêts des chênes puissants et vigoureux qui dominent fièrement toute la contrée et étendent leur ombre séculaire bien loin autour d'eux, mais sous cette ombre on ne voit que des arbustes chétifs et rabougris, des plantes maigres et sans parfum. Car il semble que les rois de la forêt aient absorbé tous les sucs nourriciers de la terre, toutes les rosées du ciel, tous les rayons du soleil. Charles Quint et Philippe II, l'un aïeul, l'autre père de Philippe III, ne furent-ils pas pour la maison d'Autriche et pour l'Espagne même, ces rois de la forêt? Philippe III se souleva sur son fauteuil, et rompant le silence que chacun gardait autour de lui, car l'étiquette de la cour d'Espagne défend d'élever la voix à moins que le roi n'interroge, il s'écria d'une voix faible: « Cette audience qu'il m'a fallu donner à monsieur l'ambassadeur de France m'a fatigué. Quelle heure est-il ?»« Sire, » s'écria vivement la jeune princesse des Asturies, « il n'a encore que 4 heures. » À cette réponse, tous les yeux se portèrent avec surprise sur Élisabeth de France et le roi fronça le sourcil. « Ma fille, » dit-il sèchement, après avoir lancé à la Camerera Mayor un regard courroucé, on aurait dû vous apprendre que c'est monsieur le duc de Medinaceli, grand sommelier de corps, à répondre lorsque le roi demande l'heure. » La princesse rougit, et une larme de dépit roula dans ses yeux. Philippe III ne parut pas s'en apercevoir, et continua en ces termes. « N'est-ce pas aujourd'hui le 31e jour du mois de mars ?» Une voix fit entendre comme le répondre une litanie funèbre. « Oui, sire. » « C'était jadis à la cour d'Espagne, » reprit Philippe III. « Un bel anniversaire que celui-là. Et il y avait combat de taureaux sur la Plaza Mayor, et baisement solennel à Buen Retiro. Car à pareil jour, j'avais épousé Marguerite d'Autriche, votre reine, messieurs. Qui se souvient ici de la reine? Elle était belle comme vous, ma fille. Mais je ne sais pourquoi les reines ne vivent pas de longs jours en Espagne. Marguerite d'Autriche m'a été ravie dans la fleur de sa jeunesse et de sa beauté. Et voilà tantôt 10 ans qu'elle m'attend à l'Escurial. Cela est triste. N'en parlons plus. Où est l'infant, Don Philippe? Aucune voix ne s'éleva pour répondre au roi, qui réitéra par 2 fois sa question avec une impatience visible. La première fois, il se retourna du côté de l'infante qui répondit tristement « Sire, je ne sais ». La seconde fois, il se retourna du côté du grand maître, qui crut devoir prendre sur lui de mettre en avant je ne sais quelle circonstance banale pour excuser l'absence du prince des Asturies. Mais le roi, sans pitié pour la jeune femme assise à ses côtés, s'écria avec colère « Tu te trompes, grand maître. Je sais bien, moi, où est Don Philippe. Il est chez quelques comédiennes d'années. D'où vient qu'il ne s'est pas présenté comme c'était son devoir à mon lever ?»« Sire, » répondit timidement le Montero Mayor, appelé par ses attributions à veiller à la porte de la chambre royale pendant le sommeil du roi, « le prince des Asturies est venu ce matin, mais votre majesté reposait encore, et je lui empêchais le prince d'entrer. L'étiquette veut que les enfants d'Espagne se présentent à la chambre du roi une fois le matin, une fois le soir, et jamais plus, à moins qu'il ne soit mandé. » Le roi baissa la tête, et après un long silence, il dit « Qu'on aille chercher le révérend Fra Ambrosio. » Fra Ambrosio était un des 130 hiéronymites du monastère de Saint-Laurent de l'Escurial, qui n'ont, comme on sait, d'autres tâches à remplir que de prier en tout temps pour le repos de l'âme des rois et reines d'Espagne. Ce moine avait le pouvoir de distraire parfois Philippe III de ses sombres ennuis. Doué d'une science profonde en généalogie et en histoire, il connaissait à merveille les chroniques les plus curieuses et s'était acquis surtout des titres à l'affection du roi par une érudition toute spéciale en matière d'étiquette et d'anciens usages. On le disait issu d'une illustre maison d'Espagne dont, par humilité, il avait toujours tu le nom. Quoi qu'il en soit, Philippe III, dans les fréquentes retraites qu'il lui arrivait de faire à l'Escurial, avait distingué Fra Ambrosio et avait même fini par lui donner un logement dans le palais de Buen Retiro, si bien que ce moine était beaucoup plus souvent à Madrid qu'à son monastère. On le disait fort attaché au roi, et on l'avait remarqué pendant la dernière maladie de Philippe III, qu'il se montrait fort inquiet et fort agité, interrogeant incessamment les médecins sur l'état du royal malade, et les suppliant avec instance de le laisser parvenir jusqu'à son chevet, car lui-même, disait-il, aurait expiré de douleur si le roi était mort sans qu'il lui fût donné de le revoir. Aussi témoigna-t-il une joie extrême lorsque le monarque parut revenir à la santé. Au bout de quelques minutes, Fra Ambrosio fut introduit. C'était un beau vieillard, encore assez droit pour son âge, quoiqu'il pût bien être septuagénaire, et dont la tête sur laquelle les ans et les passions, peut-être, avaient creusé maintes rides, avait quelque chose de celle du lion. Il avait les yeux baissés et comme enfouis sous leurs orbites, mais on voyait poindre un reste de flamme sous les épais sourcils qui les surmontaient. Il s'inclina profondément devant le roi, qui lui fit signe de s'asseoir près de lui. « Mon révérend, dit Philippe III, pardonnez-moi de vous avoir troublé dans quelques pieux exercices, mais je n'ai pu résister au désir de prendre conseil de vos lumières. Vous, dont la science est si sûre, ne pourriez-vous me dire si j'ai eu tort ou raison tout à l'heure? Voici à quelle occasion. Monsieur l'ambassadeur de France est venu me faire visite. Il avait audience, et comme il se retirait, je lui donnai ma main à baiser et me suis levé ensuite pour lui faire honneur. Cela était-il convenable, et n'aurais-je pas dû plutôt me lever d'abord et donner ma main à baiser ensuite ?« Sire, répondit gravement Fra Ambrosio, c'est en effet une faute que votre majesté a commise contre l'étiquette, et monsieur l'ambassadeur pourrait à bon droit s'en montrer offensé. Le rang que tient en Europe le roi de France, le double lien de parenté qui l'unit à votre majesté en qualité d'époux de sa fille et de frère de sa belle-fille, exigeait que vous vous levassiez d'abord. Et comme un imperceptible sourire venait d'effleurer les lèvres d'Élisabeth de France, le moine ajouta « C'est chose plus sérieuse qu'on ne pense que l'étiquette, et une grande gloire s'attachera dans les âges à venir à la maison d'Autriche qu'il a assise en Espagne sur des bases solides, et en particulier au règne de Sa Majesté Philippe III, qui n'a jamais souffert, qui fut apporté la moindre infraction. Pour ma part, si Dieu m'accorde quelques années, ce qui est douteux à mon âge, je veux les consacrer à écrire un livre où je raconterai tout ce que je sais à ce sujet. » « J'en accepte d'avance la dédicace, » dit le roi. Fra Ambrosio s'inclina. « Mon révérend, » reprit Philippe III, « ne pourriez-vous, pour nous faire passer le temps, nous raconter quelqu'une des aventures qui doivent y prendre place ?» Ici, le moine ne put dissimuler entièrement je ne sais quel tressaillement nerveux qui agita tout son corps. Mais il se remit bientôt et répondit d'un ton parfaitement calme « Volontiers, sire, mais laquelle ? Tout ce qu'il vous plaira. » Fra Ambrosio se recueillit quelques instants, puis il s'exprima à peu près en ces termes. « Sire, lorsque résidant à l'Escurial, il vous arriva d'aller chasser dans les montagnes Guadarrama. N'avez-vous pas remarqué sur le versant oriental de la plus élevée de ces montagnes, celle du sommet de laquelle on aperçoit au loin la tour de Ségovie, un vieux château abandonné et tombant en ruine ?» « En effet, dit le roi, je tuai un loup tout proche de ce château l'automne passé. N'est-ce pas l'ancien manoir des comtes de Penacerrada ?»« Oui, sire, une des plus anciennes et des plus nobles maisons de Castille que c'est Penacerrada. On le dit. » »« Il me souvient, mon révérend, d'avoir entendu parler dans mon enfance d'un comte de Penacerrada. » C'était un vaillant capitaine qui avait fait la guerre avec les vieilles bandes du duc d'Albe et qui s'était distingué en maintes occasions. Le roi en faisait cas. « Sire, votre mémoire est bonne, c'est de lui que je veux parler. N'avait-il point d'enfant ? Sire, il en avait deux fils. Que sont-ils devenus ? Vous plaît-il, sire, d'entendre leur histoire ?» Le roi fit un signe d'assentiment. « Écoutez donc, dit le moine. L'aîné de ces deux jeunes gens avait nom Sanchez. C'était un beau cavalier, vivant portrait de son père, les cheveux noirs, le teint brun, l'œil vif et fier, la taille svelte et élancée. Oh, si Dieu lui eût prêté vie, il aurait fait parler de lui, Don Sanchez de Penacerrada. Et déjà, à 22 ans, il avait toutes les qualités qui font les grands hommes de guerre. Il servait dans les Flandres, sous le fameux Ambroise Pinola. Il était du corps d'armée qui emporta au stand l'imprenable, après un siège de 3 ans et 3 mois. C'était en 1604. Quel joueur pour le comte de Penacerrada, pour la comtesse, car Don Sanchez avait encore sa mère. Lorsque leur fils revint s'asseoir à leur foyer, lui qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. Que de tendres embrassements, que de doux récits échangés entre eux. Hélas, cette joie ne fut pas de longue durée. Un jour, des gens de justice et des alguazils entrèrent dans le château de Penacerrada, dans ce château où le roi Alphonse le Sage s'était reposé, et ils se saisirent de Don Sanchez. Il était accusé, lui, un Penacerrada, d'avoir, durant le siège d'Ostende, entretenu des intelligences coupables avec le gouverneur de la ville assiégée. Une lettre avait été surprise, lettre sans signature, mais dont l'écriture était celle de Don Sanchez. À cette affreuse nouvelle, le comte de Penacerrada tomba dans le désespoir, car l'honneur de sa noble maison était désormais souillé. Malgré les dénégations de Don Sanchez, son crime paraissait évident, Don Sanchez fut condamné à mort. Le jour fixé pour l'exécution, le comte de Penacerrada était enfermé dans sa maison de Madrid lorsqu'il reçut une lettre d'un des officiers de la compagnie des gardes Ballone qui, cédant à ses remords, se déclarait coupable du crime imputé à Don Sanchez et s'en punissait en se faisant sauter la cervelle. Palpitant et perdu, le comte de Penacerrada courut au palais et avec cette ardeur et cet emportement fébrile que donne dans un pareil moment la douleur d'un père, il force la consigne et pénètre jusqu'à la chambre du roi. Le roi, c'était vous, sire, vous en souvient-il encore? Le roi était comme aujourd'hui dans son fauteuil à cette même place. Le cardinal duc de Lerme était assis auprès de lui, et à quelque distance, debout, Don Rodrigue de Calderone, premier secrétaire du cardinal duc. Le comte se précipita aux genoux du roi sans pouvoir prononcer une parole, tant il était ému. Ce fut alors, sire, que vous lui demandâtes avec une froideur sévère et pleine de majesté qui il était, et pourquoi il se permettait d'entrer sans être appelé, ce qui était une faute grave contre l'étiquette. « Sire, s'écria le comte de Penacerrada en fondant larmes, Ayez pitié d'un père qui va perdre son enfant. On va tuer mon fils, sire. Mon fils est innocent. En voici la preuve. » Et le comte tendait au roi, d'une main tremblante, le message de l'officier des gardes wallonnes. Mais le roi, toujours impassible, répondit « C'est le grand maître qui reçoit tous les placés pour les souverains. Retirez-vous et vous adressez au grand maître. J'aviserai plus tard. » « Plus tard ?» À cet instant, il faut croire que le comte de Peñacerrada, ce sujet si loyal, si dévoué, fut pris d'une sorte de vertige, car il osa dire au roi, en présence de Monseigneur le cardinal duc de Lerme et de Don Rodrigue de Calderon, « C'est tout à l'heure, c'est maintenant même, sire, qu'il faut aviser, car entendez-vous cette cloche ?» Et la cloche commençait à sonner en effet. « Cette cloche sonne l'agonie de mon malheureux fils. Entendez-vous ces litanies funèbres ?» Et l'on distinguait en effet, déjà dans le lointain, les voix qui psalmodiaient le De Profundis. « C'est la voix des pénitents qui accompagnent mon pauvre enfant, que l'on traîne au supplice et qui est innocent, sire. » En parlant ainsi, le comte embrassait vos genoux, sire, et il se traînait aux pieds du cardinal-duc, et il suppliait Don Rodrigue de Calderon, un homme de rien, un misérable parvenu, et il leur disait à tous deux « Joignez-vous donc à moi, mes bons seigneurs, pour que le roi signe la grâce de mon fils, une plume, de l'encre, dans quelques minutes il ne sera plus temps. » Le cardinal-duc et son secrétaire restaient muets comme vous, sire. « Pourtant, vous paraissiez mu. » Et le comte de Peñacerrada profita de cet instant pour glisser entre vos royales mains le message qui constatait l'innocence de son fils, et il osa s'emparer d'une plume sur votre table et vous la présenter. Tout à coup, Don Rodrigue de Calderon, Don Rodrigue que votre majesté a fait conduire dernièrement à la tour de Ségovie, dit à mi-voix « C'est au président de la chambre du conseil de Castille qu'il appartient de faire signer la grâce du condamné et de présenter la plume au roi. » Et le roi, que dit-il ? Interrompit Élisabeth de France, haletante et en proie à la plus vive émotion. « Mon Dieu ! » s'écria en même temps Philippe III. « Je ne sais pas ce que j'éprouve. Ne trouvez-vous pas, comme moi, messieurs, qu'il fait bien froid dans cette chambre ?» Et comme nul ne répondait, le roi ajouta « La bise de mars souffle à travers la fenêtre, et je me sens tout glacé. Le brasero est sur le point de s'éteindre. Medina Celli ordonne qu'on le ranime. Maintenant, mon révérend, vous pouvez achever votre récit. » « Je le ferai volontiers, » répondit Fra Ambrosio. « Mais votre majesté semble plus souffrante, et peut-être jugera-t-elle convenable de couper court à une conversation qui la fatigue sans doute et que nous pourrons reprendre une autre fois. »« Non pas, » reprit le roi. « Le froid seul. Continuez. »« Oh oui, » ajouta l'infante. « Continuez. » Que dit le roi en entendant Don Rodrigue de Calderon parler ainsi ? Fra Ambrosio laissa quelque temps errer son regard sous les traits de Philippe III, comme s'il eût cherché à y surprendre la trace de quelque émotion. Puis il s'écria, avec l'accent d'un homme qui raconte la chose la plus simple et la plus naturelle du monde. Le roi, rappelé à l'observance d'une règle qu'il allait peut-être oublier, remercia d'un signe de tête Don Rodrigue et dit « Cela est vrai, qu'on aille quérir Don Vincent Gonzaga. » Ici, il eut dans toute l'assistance une impression difficile à décrire. Et le moine ironimite fit une pause de quelques minutes pendant laquelle il sembla qu'on entendait son cœur battre avec violence dans sa poitrine. Ensuite, il reprit. Quand le président de la chambre du conseil de Castille arriva, la cloche et la litanie retentissaient encore dans le lointain, mais Don Sanchez et Peñacerrada ne les entendaient plus. Le roi, dans sa clémence, ordonna qu'il fût réhabilité, car il n'avait plus besoin de grâce. Maintenant, sire, je vais vous dire l'histoire du second fils du comte de Peñacerrada. Arrêtez ! Dit le roi, cela est trop triste. N'avez-vous pas d'autre chose à nous raconter, mon révérend ? Oh ! S'écria vivement la jeune princesse des Asturies, avec cet accent qu'une femme jeune et belle emploie toujours d'une manière irrésistible. Souffrez, sire. Que le révérend achève son récit. Cela m'intéresse au plus haut point. J'ai d'ailleurs bien besoin, vous le savez, sire, de me mettre au fait de l'histoire et des usages de la cour d'Espagne. Le roi fit un signe de résignation, et Fra Ambrosio continua en ces termes. Après la mort de son fils Sanchez, le comte de Peñacerrada résolut de passer le reste de ses jours dans son château des montagnes Guadarrama avec son second fils Fernand, car la comtesse, sa femme, était morte de saisissement en apprenant la fin tragique de son premier-né. Fernand n'était encore qu'un enfant, il avait 12 ans à peine lorsque périt son frère. Le comte de Peñacerrada se faisait vieux, et c'était bien le moins qu'un de ses fils le restât pour le consoler dans sa douleur et lui fermer les yeux. D'ailleurs, le comte avait fait vœu, excusez un tel vœu, sire, que jamais de son vivant un Peñacerrada ne paraîtrait à la cour, ni même dans les armées du roi. Bien plus, il avait fait jurer à l'enfant sur le cadavre mutilé de Don Sanche de refuser toute charge et toute grâce, quelque minime ou quelque grande qu'elle fût, qui lui serait offerte par le très excellent roi catholique Philippe III, et l'enfant était fermement déterminé à tenir son serment. Plusieurs années se passèrent, plusieurs années pendant lesquelles Don Fernand devint homme. En 1611, il y a 10 ans de cela, il venait d'entrer dans sa 19e année, et il était beau comme l'avait été son frère. Seulement, autant Don Sancho avait l'air fier et résolu, autant Don Fernand, au contraire, se distinguait par la douceur de ses traits et par je ne sais quelle grâce mélancolique qui rappelait au vieux comte de Peñacerrada l'épouse qu'il avait perdue. À cette époque, et sans cause connue, Don Fernand devint tout à coup d'une tristesse extrême. Le vieux château dans lequel s'étaient écoulées les années de son adolescence perdit ses charmes pour lui, et on le surprit plus d'une fois au milieu des montagnes de Guadarrama, assis au sommet de quelques rocs escarpés, le regard perdu dans cet immense horizon qui s'étend au-delà des montagnes, dans la direction du Midi, de vers l'Escurial et Madrid. Son père, qu'il aimait comme on aime à 60 ans passer un unique enfant, l'espoir et la consolation de ses vieux jours, le soutien de son nom, le dernier rejeton d'une noble famille, son père, alarmé de ce changement inattendu, fit tout pour en découvrir la cause, mais Don Fernand fut impénétrable. Un jour, enfin, le jeune homme aborda son père avec un front moins sombre que d'habitude. Il avait une requête à lui adresser. Il n'avait jamais vu dans sa vie de combat de taureaux, et leur renommée avait apporté, jusque dans les montagnes de Guadarrama, le bruit qu'une solennité de ce genre devait avoir lieu à Madrid le 31 mars 1611 sur la place Mayor, en réjouissance de l'heureux anniversaire de votre mariage, sire. Ne serait-il point permis à Don Fernand d'aller assister à cette fête nationale ? Le comte de Peñacerrada, en recevant la demande de son fils, poussa un profond soupir. « Enfant, lui dit-il, tu veux quitter ton vieux père pour aller dans la ville royale ? Oh, je t'en supplie, renonce à un tel projet. Mais sais-tu bien que tu ne pourras faire un pas dans Madrid sans que peut-être ton pied se pose là où s'est posé le pied de notre pauvre Sanche pendant qu'on le conduisait au supplice ? Sais-tu bien que les vieilles femmes de Madrid, en te voyant passer, retrouveront dans tes traits ceux de ton frère et que tu entendras retentir partout autour de toi ? Voilà le frère de Don Sanche de Peñacerrada, ce jeune hidalgo qui est mort de la main du bourreau. Enfant, je te le demande en grâce, ne va pas à Madrid. Madrid est une cité de malheur pour notre maison, et qui sait si tu en reviendrais ? Mais la jeunesse est parfois aussi obstinée que présomptueuse dans ses projets, et Don Fernand répondit au comte de Peñacerrada. Mon père, si vous me laissez aller à Madrid au combat de taureaux, je vous dirai ce que vous désirez tant savoir, et ce que je vous ai caché jusqu'à présent. Mon père, je vous révélerai un grand secret. Eh bien, dit le comte, écoute, Fernand, si tu veux me dire dès à présent ce grand secret, je pourrai me décider à te laisser partir pour Madrid. Bien vrai, mon père, s'écria Fernand, alors je vais tout vous dire. Et voici ce qu'il apprit au comte. Parvenu à cet endroit de son récit, Fra Ambrosio s'arrêta un moment, comme incertain s'il devait en poursuivre le cours, mais sur un geste du roi, il continua en ces termes. Un jour, à la chasse, Don Fernand avait été surpris au milieu des montagnes par une violente tempête et n'avait eu que le temps de se réfugier dans un bois sous un gros arbre. Ce bois, connu de tous ceux qui vont chasser dans la contrée, s'étend en amphithéâtre sur un versant de montagne, et la montagne se trouve encaissée en cet endroit par une ligne de rochers à pic au fond desquels coule le Manzanares, dont le lit est étroit et profond dans cette partie de son cours. À peine Fernand venait-il de s'abriter qu'il entendit dans l'épaisseur du bois des cris de terreur poussés par une voix féminine, puis à ces cris vint se joindre le bruit mesuré du galop d'un cheval. Don Fernand s'avança vivement à la découverte et bientôt un spectacle cruel vint frapper sa vue. À 50 pas environ devant lui, il vit venir avec toute la rapidité d'une course impétueuse et désordonnée une mule blanche, richement carapaçonnée, mais couverte d'écume, les naseaux ensanglantés, et qui, descendant par une pente escarpée dans la direction du fleuve, entraînait avec elle une femme évanouie. L'infortuné avait essayé sans doute de quitter sa monture, mais en se précipitant, sa jupe s'était engagée dans l'étrier et elle était restée suspendue à la selle. C'est dans cette horrible situation que la mule furieuse, et qui avait rompu son frein, l'emportait vers l'abîme au fond duquel on entendait mugir, fouetté par la tempête, les eaux torrentueuses du Manzanares. Encore quelques toises à franchir, et l'écuyère et sa monture allaient être précipitées dans le fleuve, sépulcre béant où toutes deux devaient trouver une mort certaine. à l'aspect de cette femme que menaçait une fin si terrible, Don Fernand de Peñacerrada se sentit frémir jusqu'à la moelle des os. Sans calculer le danger qu'il courait, il sauta à bas de son cheval, et s'élançant à la rencontre de la mule, au risque d'être précipité avec elle dans l'abîme, il saisit d'une main vigoureuse le précieux fardeau qu'elle emportait et s'y attacha par une étreinte désespérée. L'animal fit un suprême effort, et la jupe, se déchirant, laissa glisser sur le sol, à 3 pieds au plus de la cime d'un des rochers qui surplombent le torrent, le corps d'une jeune et charmante femme à demi morte de frayeur. Pendant ce temps-là, la mule allait rouler avec un épouvantable fracas au fond du gouffre et mêler son dernier hennissement à la voix de la tempête et du torrent. Dès qu'elle eut repris ses sens et qu'elle se vit saine et sauve, l'inconnu s'agenouilla dévotement, puis elle tendit la main à son sauveur avec une vive expression de reconnaissance. Mais dans ce moment, des sons de cor avaient retenti à peu de distance, elle tressaillit comme sous l'impression d'un souvenir pénible et dégageant vivement sa main. « Qui que vous soyez, Seigneur, » dit-elle presque à voix basse, « ne demeurez pas auprès de moi un seul instant de plus. Fuyez, fuyez au plus vite, je vous en supplie, et que nul au monde ne sache ce qui s'est passé ici et ce que vous avez fait pour moi. Oh mon Dieu, je tremble que vous n'ayez été vu. On vient, n'entendez-vous pas des voix, un bruit de chevaux? Fuyez, Seigneur, adieu, adieu, oubliez-moi. » « Oh, à la bonne heure !» interrompit naïvement l'infante. « Voici, mon révérend, un récit qui me charme, et je suis sûr que tout le monde ici est de mon avis. » Puis elle ajoute à mi-voix, « Voyez comme le roi vous écoute. »« Altesse, » reprit gravement Fra Ambrosio, « je n'ai pas encore fini. » Au moment où Don Fernand racontait à son père comment cette belle inconnue à laquelle il avait sauvé la vie, d'une façon si miraculeuse, lui avait soudain échappé, comment à la noblesse de ses manières, non moins qu'à la magnificence de ses vêtements, il avait sujet de penser que c'était une dame de haute maison, comment elle était devenue depuis lors l'objet de toutes ses pensées et de tous ses rêves, comment enfin il avait formé le projet de se rendre à Madrid au combat de taureaux, pensant bien le retrouver, on frappa la porte de la chambre, et l'un des alcades de cour accompagné d'une bande d'alguazils s'avança jusqu'à Don Fernand et le touchant de sa baguette blanche s'écria « Au nom du roi, Don Fernand de Peñacerrada, je t'arrête comme accusé du crime de lèse-majesté. » « Seigneur alcade, balbutia le comte, qu'a-t-il fait? Que lui reproche-t-on? » L'alcade répondit, « Ce jeune homme a touché à la reine. » Le vieillard ne versa pas une larme. Seulement, lorsque son fils s'approcha de lui pour l'embrasser une dernière fois avant leur séparation, il lui dit, « Maintenant, mon pauvre Fernand, tu peux aller voir Madrid, la cité royale. » À cet instant, le roi s'écria en frissonnant, « L'air de cette chambre est glacé. Mélina Celi, je t'avais ordonné de faire ranimer le brasero. » Le grand sommelier de corps répondit, « Cela a été fait, sire. » « Madame, » dit Elisabeth de France en se penchant à l'oreille de la camerera major, « voyez donc comme le roi est pâle. » « En effet, » répondit la camerera. « Sa majesté n'est pas encore bien remise de sa maladie, et elle a tort de rester si longtemps levée. Mais voici le révérend qui se dispose à parler. Écoutons. » Fra Ambrosio reprit à peu près en ces termes le cours de son récit. Le tribunal des alcades de cour est sévère quand il s'agit d'appliquer les lois qui défendent les personnes royales contre toute profanation, même involontaire, même dans un but légitime, même quand il s'agit de leur salut. Le tribunal a raison, n'est-il pas vrai? D'ailleurs, la loi est expresse. Il est défendu de toucher à la reine sous peine de mort, et Don Fernand de Peñacerrada avait touché à la reine. Don Fernand fut condamné à mort. Lorsque cette nouvelle parvint au comte, il tomba la face contre terre et s'écria « Seigneur mon Dieu, ayez pitié de moi !» Comme il était encore dans cette attitude, arrosant le plancher de ses larmes, un messager de la reine fut introduit en sa présence et lui dit « Comte, votre fils a sauvé la reine de la mort, et il appartient à la reine de le sauver à son tour. Sa majesté me charge de vous dire qu'elle n'épargnera rien pour qu'il en soit ainsi, et qu'elle sauvera Don Fernand du sort qui le menace ou qu'elle mourra elle-même. » La reine tint parole, car peu de temps après, le 3e jour d'octobre de l'année 1611, elle s'éteignit subitement dans la fleur de son âge et dans tout l'éclat de sa beauté. Don Fernand de Peñacerrada l'avait précédé dans la tombe. Il était mort lui aussi, comme son aîné, de la main du bourreau, lui, le dernier rejeton de la maison de Peñacerrada. Sire, vous auriez pu le sauver, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez refusé la grâce du coupable, bien que la reine elle-même l'ait imploré à deux genoux, et ce fut bien fait à vous, sire, car vous avez encore en cette occasion donné à vos sujets un grand exemple de respect pour les lois de l'étiquette qui sont les lois du royaume. Votre Majesté s'est souvenue que, coupable d'avoir pleuré sur le sort d'une des victimes dans un auto da fé, elle n'avait pas craint de livrer son propre sang au grand inquisiteur pour que ce sang fût, en expiation de ses larmes sacrilèges, brûlé par la main du bourreau. Vous avez pensé qu'il convenait de poursuivre jusqu'au bout une tâche si noblement commencée, en demeurant fidèle aux coutumes de vos pères, dont l'observance vous est confiée. Sire, c'est là un grand enseignement pour vos successeurs, et je regrette que le plus proche de tous, Monseigneur le prince des Asturies, ne soit pas ici pour recueillir mes paroles et apprendre ainsi dès à présent à mettre à profit les hautes leçons que vous lèguerez aux âges à venir. « Mon révérend, s'écria l'infante, vous ne nous avez pas dit ce que devint le vieux comte de Penacerrada, le père infortuné de ces deux jeunes gens, dont vous venez de nous conter le sort tragique. « Vous plaignez le comte ? Répondit le moine d'un ton sévère. « Altesse, vous avez tort. Ce vieillard avait pensé qu'il suffit d'instruire ses enfants à marcher constamment dans les voies de l'honneur, de la piété, de la vertu, et que s'ils savent, après cela, chasser le daim et le sanglier, monter un cheval fougueux, manier une lourde épée, ils possèdent toute la science nécessaire à un noble castillan. Mais cela ne suffit point, n'est-ce pas, sire ? Il faut qu'un noble castillan connaisse aussi l'étiquette, ce code sévère qui maintient chacun dans la stricte loi du droit et du devoir, et qui garantit aux personnes royales le respect qu'il aurait dû en toutes circonstances de leur vie. Le comte de Penacerrada fut, ainsi que vous l'avez vu, puni par où il avait péché. Comme Rachel, il ne voulut point se consoler parce que ses enfants n'étaient plus, et ayant congédié tous ses serviteurs, il s'enferma seul dans son château et s'y laissa mourir de douleur. Voilà pourquoi il y a dans les montagnes de Guadarrama un vieux manoir inhabité et tombant en ruine. Dieu prenne en sa pitié les âmes des anciens hôtes de ce manoir, l'âme du comte de Penacerrada et les âmes de Don Sanche et de Don Fernand ses fils. Amen, dirent les assistants. Amen, répondit aussi Philippe III d'une voix sourde. Fra Ambrosio se tut et il y eut un morne silence dans l'assemblée. Tous les regards étaient fixés sur le roi, qui s'agitait sur son fauteuil comme s'il eût voulu parler, mais auquel sa langue glacée et ses lèvres tremblantes semblaient refuser tout office. Le jour baissait sensiblement, et les rideaux de Damas ne laissaient plus pénétrer dans la chambre qu'une lueur blafarde qui se mariait d'une façon bizarre au reflet rougeâtre du brasero. À cette double clarté, tous ces grands d'Espagne, avec leurs vêtements noirs et sévères, et leurs longues figures compassées, ce vieux moine au visage austère et flétri, tous en quelque sorte accroupis autour du fauteuil du roi, semblaient un conciliabule de spectres environnant un moribond. Tout à coup, la cloche de la chapelle sonna. « Voici l'heure de l'Angélus, » dit Fra Ambrosio. « L'étiquette veut qu'à 7 heures toutes les personnes qui se trouvent dans la chambre du roi se retirent à l'exception de celles qui sont revêtues d'un caractère ecclésiastique, afin que le roi fasse sa prière. » Le grand maître donna le signal en se levant le premier de sa chaise de velours, et tous les assistants l'imitèrent et sortirent en silence de la chambre. L'infante Élisabeth fut la seule qui, avant de se retirer, s'approcha du roi et lui baisa la main. Il lui sembla que cette main avait cherché la sienne, comme pour la retenir. Quand tout le monde fut sorti, un des bas officiers du palais alluma sur le prie-dieu du roi un candélabre d'argent chargé de bougies, puis se retira, et la porte de la chambre s'étant refermée, Fra Ambrosio, l'humble moine hiéronymite, se trouva seul avec le puissant roi des Espagnes et des Indes. « Sire, dit respectueusement Fra Ambrosio en tirant son missel de sa ceinture, s'il plaît à votre majesté de se mettre à genoux devant son prie-dieu, je vais réciter haute voix les prières. « Mon révérend, répondit Philippe III en se soulevant péniblement sur son fauteuil, prêtez-moi votre aide pour m'acquitter de ce pieux devoir, car je sens que je suis bien faible. » « Sire, c'est un grand honneur que fait votre majesté à un pauvre moine hiéronymite, mais votre majesté le peut. Lorsque le roi Philippe II, votre père, de glorieuse mémoire, sentant sa fin prochaine, s'en va habiter, dans notre bienheureux monastère de Saint-Laurent de l'Escurial, la chambre qu'on appelle depuis lors la chambre de l'agonie royale, il y avait toujours près de son fauteuil ou à son chevet un de nos frères hiéronymites pour le soutenir dans l'accomplissement de ses dévotions. « Mais moi !» s'écria le roi en s'arrêtant brusquement dans sa marche pénible vers le prie-dieu. « Mais moi, mon révérend, je ne suis pas comme mon père, je n'ai que 43 ans, on est jeune encore à cet âge, et si la main de Dieu s'est appesantie sur moi et m'a fait malade cet hiver, je suis beaucoup mieux maintenant. Mes médecins m'ont dit que j'étais en pleine convalescence. Voilà le printemps qui vient, Le printemps, c'est la santé, c'est la vie. Les jardins d'Aranjuez sont déjà en fleurs, m'a-t-on dit. Les jardins d'Aranjuez m'attendent. Pensez-vous, mon révérend, que si tel était mon bon plaisir, je ne pourrais partir demain matin même pour cette résidence ? Sire, votre majesté est toute puissante et ne répond de ses actes qu'à Dieu. Mais le palais d'Aranjuez est peut-être bien loin de Madrid. Ce voyage fatiguerait votre majesté. Le palais de l'Escurial est plus proche. Il y a aussi de beaux jardins à l'Escurial. L'Escurial, l'Escurial, s'écria le roi avec une terreur instinctive. Il n'y a que des tombes. L'heure se passe, dit froidement le moine. L'Angélus est sonné depuis longtemps. Majesté, vous plaît-il de vous agenouiller ? Nous voici devant le prie-Dieu. Mon révérend, soutenez-moi. Le roi, aidé de Fra Ambrosio, s'étant agenouillé, non sans peine, sur son carreau de velours, le moine lui demanda quelle prière il devait réciter. « Vous avez votre missel, mon révérend, » répondit Philippe III. « Ouvrez-le au hasard. Toutes prières sont agréables à Dieu, me disait hier encore mon confesseur. »« C'est un psaume, » s'écria Fra Ambrosio en ouvrant son missel. « Je vais réciter le premier verset, et vous le répéterez, sire. » Alors, et d'une voix solennelle, le moine entonna le premier verset du psaume 50. « Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. » Le roi leva vers le moine un regard étonné, puis il répéta les paroles sacrées avec un léger frémissement dans la voix. Le moine passa immédiatement au verset suivant, qu'il accentua avec plus de force encore. « Et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquatitem meam. » Mais, dit le roi en l'interrompant, ce psaume est un des sept psaumes de la pénitence qu'on a coutume de réciter au lit de mort des agonisants. Sire, répondit Fra Ambrosio, je me suis conformé à l'ordre que j'ai reçu de votre majesté, et j'ai ouvert mon missel au hasard. Si j'ai failli dans cette circonstance, je vous supplie humblement de m'excuser, en considérant que les moines de notre ordre ne sont point habitués à l'honneur de se trouver face à face avec le roi vivant, mais seulement avec les rois morts. C'est bien, reprit Philippe III assez sèchement, nous en resterons là pour le moment. Mes jambes ne sont point encore assez fortes pour demeurer plus longtemps dans cette attitude. Aidez-moi à me relever et me conduisez à mon fauteuil. » Ici il eut un silence de quelques instants. Tout en regagnant son siège, le roi ne pouvait s'empêcher de jeter sur le vieillard qui lui prêtait ainsi l'appui de son bras et de son corps des regards pour la première fois moitié soupçonneux, moitié craintifs, et il cherchait évidemment dans les traits de ce moine, quelque souvenir éloigné, quelque indice fugitif qu'il ne pouvait ressaisir. Lorsqu'il fut assis, Fra Ambrosio s'inclina devant lui avec toutes les marques de l'humilité la plus profonde et se disposa à sortir. « Arrêtez !» s'écria vivement Philippe II. « Où allez-vous ? » « Majesté, permettez que je me retire de votre présence, » répondit respectueusement le moine. « Aussi bien, j'ai cru m'apercevoir que j'avais eu le malheur de vous déplaire. Restez !» Y a-t-il longtemps que vous êtes de monastère de Saint-Laurent de l'Escurial ? Oh oui, sire, bien longtemps. Est-ce que vous avez connu jadis le comte de Penacerrada ? Vous étiez son ami, son parent peut-être. Sire, le comte de Penacerrada était un ennemi du roi, un contempteur audacieux des lois de l'étiquette. Dieu me préserve de tout contact avec les ennemis du roi, avec ceux qui violent l'étiquette. Philippe III passa sa main sur son front, ainsi qu'un homme qui, en proie à un rêve pénible, se réveille tout à coup et s'aperçoit que ce n'était qu'un rêve. « Mon révérend, » reprit-il doucement et presque avec timidité, « pensez-vous qu'il me soit demandé compte devant le souverain juge du sang de ces deux jeunes gens ?»« Sire, c'est là une question qui n'appartient qu'au révérend père Aliaga, votre confesseur, de résoudre. »« Je le demanderai au père Aliaga, » dit le roi. Puis, quelques instants après, il ajouta, « Mon Dieu, voilà un fait qui me surprend. Il faut que cette simple promenade jusqu'à mon prie-Dieu m'ait fatigué, car tout à l'heure encore, j'étais glacé par le froid, et il me semble maintenant que je brûle. Voyez donc comme la carbonia s'enflamme dans le brasero. Ne trouvez-vous pas, mon révérend, qu'il commence à faire bien chaud dans cette chambre ?»« Sire, je suis vieux, » répondit le moine. « À mon âge, le sang est déjà presque glacé dans les veines. Je n'éprouve pas ce que vous dites. » « C'est étrange, » murmura le roi, dont la tête sembla s'affaisser peu à peu comme s'il éprouvait cet engourdissement qui précède le sommeil. Pendant ce temps-là, on voyait la carbonia rougir dans le vase de cuivre où elle était contenue et qui se métamorphosait en une sorte de fournaise ardente. Sous la puissance attractive de ce foyer incandescent, l'air se raréfiait et déjà les bougies allumées dans le candélabre d'argent placé sur le prie-dieu du roi n'avaient plus qu'une lueur terne et immobile. Cependant, à l'extérieur, la lune venait de se lever à l'horizon des jardins de Buen Retiro, et à travers les vitres de la fenêtre, on apercevait distinctement la statue équestre de Charles Quint, revêtue de son armure de combat, et qui semblait contempler d'un œil morne l'agonie de son petit-fils. N'y avait-il pas en ce moment quelque chose de symbolique dans l'aspect de ces deux royautés, l'une de bronze et de fer, l'autre de chair et d'os, l'une debout et fière sur laquelle les rayons de l'astre des nuits projetaient comme un reflet affaibli du soleil de Pavie et de Cérisol, l'autre couchée pantelante sous la chaleur artificielle de son soleil à elle, le Brasero. Tout à coup le roi sembla s'éveiller en sursaut, et essuyant de grosses gouttes de sueur qui coulaient de son front, il balbutia d'une voix à peine perceptible. « Faites enlever le Brasero. »« Sire, dit le moine, je vais prévenir l'officier préposé à cet emploi. Faites vite, reprit le roi. Fra Ambrosio sortit et rentra au bout d'une demi-minute. Le roi était excessivement pâle et semblait respirer avec peine. « Sire, dit-il, l'officier était absent, mais on allait le quérir, il va venir. » Le roi ne répondit pas, mais un instant après il s'écria « Je me sens prêt à défaillir. Mon révérend, en trouverai mon pourpoint. »« Majesté, dit le moine, je suis indigne d'un tel honneur. L'étiquette ne permet pas, un pauvre frère hiéronymite, de toucher aux vêtements de son roi. » Ce soir, regarde Monseigneur le duc de Mélina Celli, grand sommelier de corps. Mon Dieu, c'est vrai, mais j'étouffe. De l'air, mon révérend, ouvrez cette fenêtre. Sire, je ne le puis, je n'ai point qualité pour cela. Il est interdit à tout autre qu'au grand maître d'hôtel ou au Montero Mayor d'ouvrir les fenêtres de la chambre du roi, en présence du roi. En parlant ainsi, Fra Ambrosio lui-même avait la respiration entrecoupée et ses yeux étaient hagards. Le roi fit un effort et se souleva convulsivement sur son fauteuil, mais il retomba aussitôt. « Oh » s'écria-t-il d'une voix inarticulée, « c'est un supplice horrible. Moine, moine, ne vois-tu pas que je vais mourir si je n'ai de l'air, si l'on enlève ce Brasero qui m'étouffe, ce Brasero qui me tue ?» Alors, Fra Ambrosio, se penchant à l'oreille de Philippe III, lui dit d'une voix qui glaça de terreur le royal moribond, et ajouta la torture physique, une torture morale peut-être plus horrible encore. « Rappelez-vous, sire, que Don Sanche de Benacerrada est mort de la main du bourreau, parce que le président du conseil de la chambre de Castille n'était point là pour présenter la plume au roi. Rappelez-vous que Don Fernand de Benacerrada est mort aussi de la main du bourreau pour avoir osé toucher la reine quand il s'agissait de sauver la reine. « Benacerrada, Benacerrada !» s'écria le roi, dont la barbe et les cheveux se hérissaient d'horreur. « Toujours Penacerrada !» Et il regarda le moine, qui se tenait immobile près de son fauteuil, la tête à moitié cachée sous les plis de son capuce et dans l'attitude de la méditation et du recueillement. « Par pitié, » ajouta-t-il, « moine, n'attends pas que l'officier soit venu et enlève toi-même ce Brasero. Je te donne ma parole royale que tu ne seras point poursuivi pour ce manquement à l'étiquette. Moine, je ferai plus encore, tu obtiendras le premier bénéfice vacant qui sera ta convenance. Mon révérend, parlez, répondez-moi, que voulez-vous de plus? Grâce, grâce, pitié, mon Dieu. » Mais Fra Ambrosio, toujours impassible, il ne fut point fait grâce à Don Sanche de Penacerrada, ni à lui, ni à son frère Don Fernand. À cet instant, Philippe III pousse un dernier cri, un cri de douleur et de désespoir. « Un moine ! » s'écria-t-il. « Je te reconnais maintenant. Tu es le vieux Penacerrada. » Et il tomba sans connaissance sur l'un des bras de son fauteuil. À cet instant, la porte de la chambre royale s'ouvrit, et l'officier préposé à l'entretien du Brasero parut accompagné du médecin du roi. « Vous arrivez à propos, messieurs, » dit le moine. « Sa Majesté vient de tomber en défaillance. Elle n'a pu supporter la chaleur de ce Brasero. » Le Brasero fut enlevé, et le médecin, s'élançant auprès du roi, le contempla pendant quelques instants, avec toutes les marques de la plus vive inquiétude. Pendant qu'il se livrait à un examen dont le résultat était attendu par Fra Ambrosio avec un calme extraordinaire, la porte de la chambre s'ouvrit de nouveau et un officier du palais, paraissant sur le seuil, s'écria « Monseigneur le prince des Asturies demande s'il peut entrer dans la chambre royale pour rendre ses devoirs à sa majesté. » Fra Ambrosio jeta un coup d'œil sur le médecin, puis, se tournant vers l'officier, « Monsieur, il n'y a plus de prince des Asturies. Annoncez Sa Majesté Philippe IV, roi des Espagnes et des Indes. l'étiquette veut qu'avant de commencer son règne, le nouveau roi vienne, le premier de tous, faire visite au roi défunt. Ainsi s'achève Le Bras Zéro par Alexandre de Lavergne.